Hey, c'est Fakir, ouais. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi. Ouais. Laissez-moi. Laissez-moi planer, laissez-moi sur le sol. J'essaierai sans arrêt jusqu'à prendre mon envol. Laissez le vent m'emporter loin de là. Cessez de me détourner, moi je viens de l'au-delà. Pourquoi ne pas prendre le chemin de ses rêves? Pas le temps de faire grève, imagine que demain je crève. Je me sens comme une étoile parmi tant d'autres dans le ciel. Laissez-moi faire ma vie avec Cyrielle. Je ne sais pas si ma vie se résume dans mon destin. Je ne sais même pas si la vie n'est qu'un dessin sans fin. Je veux laisser ma trace à l'infini. Sans ça je poserai le mic et j'aurai tout fini. Alors cessez de me dire de retourner sur terre. Et laissez-moi faire ce que je veux juste faire. Et rejoindre mes rêves le soir jusqu'au jour peut-être où je deviendrai une star à croire. Car après tout je ne lâche rien, toi et moi bébé c'est bien l'histoire sans fin. Je le répète oui comme tu l'as si bien dit. Laissez-moi l'aimer comme ça l'est toujours ainsi. On voudrait tous la gloire, la fortune, la célébrité, oubliant la paix, la sagesse, la sérénité. C'est lorsque l'on veut le tout qu'on n'a plus rien. Laissez-moi au moins jusqu'au dernier refrain. Laissez-moi. Et laissez-moi, pas de juge, pas d'avocat. Cessez de faire de moi de vos soldats. Laissez mes choix et ma voix me guider. C'est bon d'avoir mes propres lois comme idée. Laissez-moi marquer ma vie sur le papier. Parler de ma famille, mes amis ou des quartiers. Lire mes écrits, réciter ou improviser. Laissez-moi déchirer le mic en restant aisé. Je profite de ma jeunesse, la voyant défiler. Je rapperai sans cesse, sans besoin de filer. Sans hésiter, je projette mes rimes, mon flow. Ratata, tu connais le fa qui show. Laissez-moi vous présenter le sens de mes proses. Quelle que soit la cause, je m'impose et m'expose. Sans dose, dans le rap à question de pause. J'analyse et écris sur quelles que soient les choses. Laissez-moi faire mon boulot, faire ce que je fais de mieux. Parler de Jean-Pierre Foucault ou bien de Dieu. Quelles que soient les religions ou bien le pays. Pas de division, oui, tu connais bien Faki. Peu importe comment, où et quand, pas d'importance. Laissez-moi vous faire preuve de bon sens. Un bout de feuille déchiré avec un peu d'encre. Pour une histoire racontée au plus près de Nantes. Laissez-moi. Laissez-moi.